Exercice 6, page 124. A. Il y a des figues dans le figuier. B. Il y a des pommes dans le pommier. C. Il y a des mangues dans le manguier. D. Il y a des poires dans le poirier. E. Il y a des fraises dans le fraisier. F. Il y a des prunes dans le prunier.